Je fais pas la file. Je vis ça comme un film. Et si j'en pèse, c'est le tag à le charbon. Je vis ça comme un film. Yeah. Laissez mon cœur dans le frigidaire, c'est le démon qui donne le go. Jamais le regard innocent, je sens le sevis sur leur peau. De l'œil du cyclone originaire, mon gars, on tient le zippo. Faut que tu payes content, faut que tu payes content. J'suis devant le club, j'attends un faux pas. J'le pique, je tourne comme compas. Dieu merci, j'cache ma tête. J'attends toujours l'averse. Dans ton Banks dans le 16e. Personne qui crie à l'aide. T'as au dépend de qui t'amène. Pas d'émotion quand t'es dedans. On n'est jamais content, sauf quand ça paye content. J'erre dans la ville, comme sur un fil. On verra bien ce qui va se passer. Merde à la base, moi j'étais sage, frérot, tout ça c'est du passé. À la base, je voulais pas être méchant, c'est des humains, ils comprennent que ça. Merde. Paranoïaque sous le ciel bleu, à l'horizon, je cherche la tempête de sable. Y'a des jours, je suis pas très drôle, pas de baseball, il me faudrait la batte. J'te jure. Ici, on a perdu la foi, le soir de Shabbat, on est tous rabat. J'ai tous mes rêves, soir, c'est gang. Et moi, je regarde par la fenêtre. Mes bros qui ont tous bon cœur, mais si nécessaire, violent, on peut l'être. Vraiment. Ici, caille sa mère, peu importe les saisons. Je me suis tellement creusé la tête, j'ai de la chair sous les ongles. Yeah. Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Quoi? C'est le choléra, la peste. Toi ma belle, je peux plus rien donner. Rien du tout. Je suis pas Dieu pour pardonner. Je coupe les phares, je vais cartonner. Personne qui crie à l'aide. T'as au dépend de qui t'amène. Pas d'émotion quand t'es dedans. On n'est jamais content, sauf quand ça paye content. J'irre dans la ville, comme sur un fil, on verra. Merde à la base, moi j'étais sage, frérot, tout ça c'est du passé. Personne qui crie à l'aide. T'as au dépend de qui t'amène. Pas d'émotion quand t'es dedans. On n'est jamais content, sauf quand ça paye content. J'irre dans la ville, comme sur un fil. On verra bien ce qui va se passer.